Connais-tu quel connais-tu non, tu le connais pas parce que je vais te le demander. Bien sûr. mais fais la question correctement quand même, Maurice, pour qu'il te réponde. Non, mais, cher Sébastien, voilà. Alors, c'est bien, il a pas changé. Non mais dis-la bien parce que. Mais dis donc, c'est toi qui a fait les bijouteries de Cannes cet été. Elle a plein de chaînes en or maintenant. Chaînes en or. Mais attends, regarde. C'est du... Ah oui, ah oui. C'est bien qu'il y a eu plein de vols. Bah oui, non, il s'est fait voler son dentier, il en a refait des chaînes. Bon, laissez-le dans ta gueule. Laissez-le raconter sa blague. Alors, mon cher Sébastien Joël, oui. Quel est le numéro de la poule? Laquelle? Parce qu'on en connaît plein, nous. Bah, ça dépend de la poule. Ah là, Sébastien, il faut toujours dire je ne sais pas parce que. Oui, parce que sinon, là, bien, pas... je ne sais pas. Ah, alors, vraiment. C'est 444-719. Mais non. Mais non. Vous pouvez les dire un par un. Ben oui. 444. Imbécile. Oh là là. Une réaction de Frédéric Costel. C'est vrai que c'est quand même. Tu vois, Fred, non, ils n'ont pas changé. Moi, j'étais bien reposé après les vacances. Oui. Et déjà, il m'énerve. Déjà, il m'agace. On la recommence pour la faire bien. Alors, t'as reçu une petite blague de la part de qui? Alors, j'ai reçu une blague d'Antoinette d'Angers. Ah. Mon cher Sébastien Joël, oui. Connais-tu le numéro de la poule? Numéro de la poule, non. Non, je ne alors, connais pas. Alors, c'est 444-719. Oh, ah, bravo. Il a failli arrêter. Non, bravo. Ah, non, elle est bien. Ah, c'est exceptionnel. Bravo. Attendez.